L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. À Toul, la compagnie de théâtre Tota Compagnia a lancé une cagnotte pour tenter d'assurer sa survie après près de 30 ans d'activité culturelle et éducative. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Céleste, qui est coprésidente. Bonjour. Bonjour. Et Thomas, qui est secrétaire. Bonjour. Bonjour. Tota Compagnia, une longue aventure déjà, près de 30 ans. Je sens que vous n'avez pas 30 ans tous les deux. La compagnie, comment vous pouvez la présenter ? Tota Compagnia, c'est donc une association de théâtre avec un but d'éducation populaire qui existe depuis 1997. On est basé à Toul, au Centre culturel Vauban, et on rayonne dans tout le Grand Est pour nos activités, nos spectacles. On a deux facettes, on a un pan professionnel qui fait des ateliers en milieu scolaire accompagnés de spectacles sur la sexualité, l'écologie, des sujets importants. Et on a un côté amateur avec les ateliers à l'année qui en résulte un festival en deux parties, une partie en été et une partie en hiver où on joue voilà, 4 et 2 spectacles qui sont le résultat d'une année de travail. Vous, votre rôle, Thomas, secrétaire, Céleste, coprésidente, c'est quoi votre histoire un peu personnelle avec la Tota Compagnia, Céleste ? On a commencé le théâtre d'ailleurs en même temps avec Thomas. D'abord pour apprendre le théâtre quoi, quand on était plus jeune. Et puis au fur et à mesure, on a eu envie de s'engager plus. Parce que la Tota Compagnia, c'est une école de théâtre, c'est une compagnie de théâtre professionnelle, mais c'est aussi une grande famille avant tout. On est tous très proches, très soudés. Enfin, en tout cas, moi, je me suis dit que c'était important d'œuvrer tous ensemble pour un projet commun et qui fait sens sur le territoire. Voilà. Vous accompagnez pas mal de jeunes dans des ateliers. Ouais, les professionnels font des ateliers en milieu scolaire avec des jeunes du quartier Croix-de-Metz. Donc ça, c'est quand même des choses importantes. Alors ça, c'est la partie plutôt professionnelle. On fait un panel de choses assez large et c'est pour ça que c'est hyper intéressant comme asso, quoi. Et là, aujourd'hui, bien, il y a des difficultés financières. Vous avez lancé une cagnotte. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? On est effectivement en difficulté financière. Notre bilan 2025, il est déficitaire de 29 000 euros environ, ce qui est un petit peu alarmant. C'est notamment à cause du contexte qui est difficile pour tout le monde dans le milieu culturel. Enfin, ça, c'est connu. La culture est en danger en ce moment. Et nous, on fait face à des baisses de subventions du ministère, de l'État, enfin, de la région. Et puis aussi, on est touché par la baisse du pass culture. Comme on fonctionnait beaucoup justement avec des écoles, et ben, cette baisse-là, elle nous affecte beaucoup. C'est pour ça que on met en place cette cagnotte. Alors, on est toujours très soutenu par nos partenaires un peu historiques, la ville de Toul, la communauté de communes terre touloise et le département Meurthe-et-Moselle, qui nous soutiennent tant financièrement que matériellement. Parce que, par exemple, le centre culturel Vauban est mis à disposition par la ville de Toul. Malgré ces soutiens-là, on est quand même en difficulté. D'où cette cagnotte qui nous permettra de notamment rémunérer correctement nos salariés. Parce qu'on n'y arrive pas trop là depuis janvier. On a des salariés permanents et puis quelques personnes qu'on embauche en intermittence. Si on est en difficulté financière, c'est aussi dû à notre volonté d'éducation populaire. On cherche à garder des tarifs bas pour permettre à tout le monde d'accéder à la culture et au théâtre. Dans un monde où les coûts sont en constante augmentation, et bah, ça nous met en difficulté, mais c'est notre mission principale, c'est dans nos statuts carrément. Ça nous semble important de continuer à pratiquer ces tarifs avantageux. Donc cette cagnotte, elle est sur Eloasso et elle permettra de maintenir vos activités et surtout des salariés aussi. Ouais, c'est ça. Comment on peut faire pour vous aider aussi ? Donc il y a la cagnotte. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est adhérer à l'association à hauteur de 15 euros pour les moins de 18 ans et 20 euros pour les plus de 18 ans. Ça montre que vous pensez que ce qu'on fait a du sens et nous, ça nous aide à fonctionner bien évidemment et à tous les problèmes qu'on a dit avant, rémunérer nos salariés, compenser la baisse de subventions, etc. Donc ça, c'est l'adhésion. Et vous avez aussi, vous de votre côté, un tarif avantageux pour venir nous voir en spectacle et l'accès à nos événements amateurs et bénévoles qu'on organise en gros une fois par mois. Et pendant les périodes de festival, il y a des petites soirées réservées aux adhérents, ce genre de choses. Et enfin, ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir nous voir. Les stages, les spectacles, pendant les festivals, bah ça nous soutient un petit peu financièrement, mais beaucoup moralement, de savoir que ce qu'on fait, ça touche les gens et c'est important dans ce monde qui est incertain actuellement. Voilà, ce serait une belle manière de découvrir tout ce que vous faites à la Tota Compagnia depuis près de 30 ans maintenant. Vous avez évoqué des stages, il va y en avoir un bientôt, on peut parler un peu de votre actualité maintenant. Il y en aura un du 13 au 16 avril. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette période et à qui ça s'adresse? Oui, tout à fait. Le stage d'avril, ça s'adresse environ aux 6-12 ans. Ça peut aller un peu plus haut que 12 ans. Et le thème, c'est les histoires célèbres, parce que cette année, notre thème, c'était histoire. Et en gros, c'est pour tous ceux qui ou ont déjà pratiqué ou voudraient même découvrir un petit peu la pratique théâtrale. Les novices sont bienvenus pendant ces stages. Et on travaille pendant 4 jours à l'élaboration d'une petite forme scénique. Et au bout de ce 4e jour, les parents et même d'autres personnes, tout le monde peut venir voir le résultat de ce travail fait par les jeunes. Et ça, c'est pour le stage. C'est pour le stage. Ça, c'est pour le stage du 13 au 16 avril. Et pour participer, pour s'inscrire, comment on fait ? Pour s'inscrire, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet, soit nous appeler, soit nous envoyer un mail. contact@totacompagnia.com. Un spectacle aussi pour découvrir tout ce que vous faites le 12 avril. Oui, ça va un peu avec la cagnotte. On s'est demandé comment nous, à notre échelle, en tant que bénévole, on pouvait aider en plus de cette cagnotte-là. Et ce qu'on sait mieux le faire, c'est du théâtre. Donc on s'est dit qu'on allait monter une pièce entièrement bénévole. Donc on est 3 bénévoles à l'écriture, à la mise en scène. C'est vraiment une pièce qu'on crée de A à Z. Et il y a 3 autres bénévoles qui nous rejoignent sur la partie jeu. Donc cette pièce s'appelle « Une veille de mardi ». Elle aura lieu le dimanche 12 avril à 15h au Centre culturel Vauban. C'est une pièce qui sera gratuite, enfin, il n'y a pas besoin de prendre des tickets. On mettra un chapeau solidaire à la fin, parce que toujours dans cette idée de cagnotte. L'idée, c'est de remercier les personnes qui nous soutiennent, qui nous aident, et puis de faire un peu un spectacle sur la culture en danger, quoi. Pour le pitch de ce spectacle. Vous avez écouté la télé, il paraît qu'ils vont réglementer nos imaginaires. Fini les distractions, recentrez-vous sur ce qui compte vraiment. 3 personnages portent l'histoire d'un monde grisonnant, où il fait bon sourire et grincer des dents. Quand l'imaginaire est tu, y a-t-il encore de la place pour grandir ? Ça c'est le 12 avril à 15h. On réserve quand même ? Non. On vient comme ça ? On peut décider au dernier moment de venir même. Et on retrouve toutes les infos sur le site. Sur le site, sur nos réseaux, ouais. Et pour vous soutenir, on rappelle la page Hello Asso. On peut adhérer aussi directement pour soutenir la culture et la compagnie Tota Compagnia. Tout à fait. Et partager autour de soi beaucoup aussi. Ça nous aide. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.